إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أولا نشكر الله تبارك وتعالى لهذه النعمة لأن أفضل من النعمة أفضل النعمة العلم العلم النافع وقال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ربي زدني علما وما قال زدني المال أو الزوجات أو الأولاد لكن العلم والعلم النافع ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسألك علما نافعا يعني العلم والعمل به. Pour commencer, on remercie Allah tabaraka wa ta'ala d'être dans une des maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que la meilleure des choses dans ce bas monde, c'est d'être assis dans une des maisons d'Allah azza wa jalla et d'apprendre la science religieuse. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et lui a ordonné de demander la science, puisqu'Allah Azza wa Jal a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit « Mon Seigneur, augmente-moi la science. » Il ne lui a pas dit « Augmente-moi le nombre d'épouses » ou « Augmente-moi le nombre d'enfants » ou « Le nombre de biens » ou « Le nombre d'argent » ou autre. Une seule chose, l'ilm. Parce que la meilleure des choses, le plus grand des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal puisse donner à son serviteur, c'est la science profitable. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam il demandait dans fil atkar dans le dhikr après la prière du matin, je te demande la science profitable. C'est quoi la science profitable? C'est la science et l'action qui va avec cette science. Il ne s'agit pas d'avoir de la science et de ne pas l'appliquer, sinon elle devient une preuve contre toi. Deuxièmement, remercie les gens qui nous accueillent dans la mosquée comme dans d'autres mosquées et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il leur facilite et qu'il accepte surtout leurs actions. On va parler incha'Allah ta'ala sur la question de as-sadaqa, l'aumône. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala wa ma khalaqtu al-jinni wal-insa illa liya'budun. Allah Azza wa Jalla dit, je n'ai créé les hommes, les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Allah Azza wa Jalla dit aussi, selon le sens des versets, et il ne nous a été ordonné que d'adorer Allah seul avec un culte exclusif. C'est-à-dire en toute sincérité avec Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min al-ibadat الصلوات والزكاة والحج والعمرة والصيام والصدقات. Parmi ces adorations qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré في الكتاب والسنة, il y a, comme vous le savez, les cinq prières obligatoires, il y a le jeûne, il y a la zakat, l'aumône légale, le pèlerinage et autres. Et parmi ces adorations, l'aumône. L'aumône, mais qui n'est pas obligatoire. Comme vous le savez, Allah Azza wa Jal a légiféré l'aumône légale obligatoire pour celui qui remplit les conditions. Az-zakah, Puis il y a l'aumône, mais qui elle n'est pas obligatoire, ce qu'on appelle as-sadaqa. Et vous savez très bien qu'Allah Azzawajal a mis des conditions lorsque l'on accomplit une adoration. La première d'entre elles, c'est qu'elle soit conforme, qu'elle soit pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et il n'y a pas de doute que l'une des adorations ou laquelle, dans laquelle le diable, Shaytan, wa'udhu billahi minhu, essaye de tenter le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala et de lui détourner son attention, c'est lorsqu'il donne as-sadaqa, lorsqu'il fait une aumône. Le diable vient et lui fait changer son intention. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, الذي يدعو الى التوحيد والتحذير من الشرك الاكبر والصغير que soit le plus grand shirk ou le petit shirk, tous les prophètes ont contredit cette chose-là, le fait de détourner l'adoration vers un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de détourner ton intention vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment dans cette question qui est as-sadaqa, le fait de donner cette aumône, d'avoir une pure sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala. وإلى جانب الزكاة الواجبة في المال هناك صدقة مستحبة تشرع كل وقت لإطلاق الحث عليها في الكتاب والسنة والترغيب فيها ولهذا قال الله جل وعلا وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. En dehors de la zakat, qui elle est obligatoire et qu'Allah Azzawajal a rendu obligatoire pour chaque croyant qui remplit les conditions et donc qui en a la capacité, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui-même, Subhanahu wa Ta'ala, a légiféré l'aumône qui est recommandée, qui n'est pas elle obligatoire comme la zakat. Et elle a été légiférée en tout temps et en tout lieu. Et Allah Azza wa Jal, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, wa sahaba radiallahu anhum, ont poussé et ont toujours poussé les gens à donner l'aumône. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné que la piété c'est de donner de son bien, mais le bien que l'on aime. Ala hubbihi. Certaines personnes, lorsqu'ils sont chez eux et qu'ils regardent le mal, ce qu'ils détiennent, ils ont envie de changer les choses chez eux. Alors ils voient telle chose ou telle chose en disant, ça j'en ai plus besoin, on va faire sadaqa. La vraie sadaqa, yayu al-ikhwa, c'est celle qui, lorsque tu donnes la chose, tu donnes ce que tu aimes. C'est-à-dire que tu donnes ce que tu aimerais garder avec toi, et non pas de te débarrasser de la chose. Cela n'empêche pas que si tu n'en as plus besoin, tu peux le donner. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la vraie sadaqa, عند الله تبارك وتعالى, وفي كتاب الله جل وعلا, c'est quoi ? C'est de donner ce que tu aimes. Et non pas de te débarrasser de ces choses-là. C'est facile de se débarrasser, on n'en a plus besoin. Mais le fait de donner ce que l'on aime, c'est là qu'on va voir la vraie intention de la personne. Est-ce qu'il donne vraiment là, à ce moment-là, lillahi azza wa jal wahdahu la sharika? Alors que s'il donne, alors qu'il n'en a plus besoin de cette chose-là, certes il va le faire pour Allah, il va dire en même temps ça va aider mon frère. Mais l'intention ici elle est partagée. Et elle n'est plus à 100% pour Allah jalla wa ala, subhanahu wa ta'ala. Parmi certains exemples qu'a donné Cheikh Ibn al-Uthaymin, il a rahimallahu ta'ala, pour plus éclaircir cette notion d'intention et de partage d'intention, il a mentionné une personne, puisque le mois de Ramadan va arriver, la personne avant le mois de Ramadan se dit, Alhamdulillah, je vais jeûner, et puis en même temps c'est bien, je vais perdre du poids. Cet homme-là, sans vouloir, il a mis deux intentions. Une intention pour jeûner le mois de Ramadan lillahi azza wa jal, et la deuxième intention, il a cherché quelque chose de la dunya, un bienfait de cette dunya qui l'arrange. Et ce qui l'arrange ici, c'est quoi? C'est de perdre du poids. Un autre, par exemple, pour la prière, il dit, alhamdulillah, je fais la prière, et Allah azza wa jal, c'est vrai qu'il l'a ordonné, et puis en même temps, c'est bien, ça me fait circuler le sang. Ces gens-là, sans s'en rendre compte, ils diminuent leur intention. Et s'ils diminuent leur intention, ils diminuent quoi? Al-ajar, la récompense de cette intention. Donc donner de ce que l'on aime parmi les proches. Et si on remarque bien dans ce verset, Allah Azza wa Jalla, comment Allah Tabaraka wa Ta'ala commence par les proches. ولهذا قال بعض السلف الصدقة في البيت أفضل من صدقة أمام البيت. L'aumône faite dans la maison est meilleure que l'aumône faite devant la maison, c'est-à-dire en dehors de ta famille. L'épouse de Abdullah ibn Saoud radhiyallahu anhu, elle est venue voir le prophète alayhi salat wa salam, et elle avait une sadaqa à faire. Elle avait une aumône à donner. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui conseille quelqu'un à qui donner cette aumône. Il lui a répondu Abu Abdurrahman, qui est la cognée de Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu, est plus en droit de recevoir cette sadaqa. Et pourtant il est qui? Il est son mari. Donc ici, la sunna, et avant le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous pousse tout d'abord à donner la sadaqa à qui? À nos familles, à nos épouses, ou l'épouse envers son époux, ou l'aulad, ainsi que les enfants, la famille proche, et ainsi la famille la plus éloignée, et ainsi de suite. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas manqué de mentionner que chaque bouchée qui rentre dans la bouche de ton épouse, elle est comptée pour toi comme une sadaqa. Puisque tu es la cause pour ramener la subsistance, et on a bien dit sabab, la cause, et sallallahu azza wa jalla donne la subsistance, étant donné que tu es la cause pour ramener la subsistance à l'intérieur de chez toi et de donner à ton épouse et aux enfants, et c'est leur droit sur toi, comme tu en es la cause et c'est toi qui fais l'effort et que tu mets ton intention lillahi tabaraka wa ta'ala, alors tu gagnes les hasanat de ces sadaqat que tu fais. Chaque bouchée qui rentre dans la bouche de ton épouse. Et la majorité des gens croient que la meilleure des sadaqat, c'est bilmal, avec l'argent. Ahlul ilm wal ulama, ils disent أفضل من الصدقات صدقة العلم. Ce qui vient appuyer بإذن الله تعالى le cours qui a été fait avant sur la science. La meilleure des aumônes, c'est l'aumône de la science, celui qui donne la science aux autres. أحد من السلف رضي الله عنه, un parmi les savants du hadith, il ne manquait pas de dire à ses élèves, sur 100 ahadiths que je vous apprends, je veux que vous faites da'wah de 3 ahadiths. C'est-à-dire que vous donnez az-zakat sur le hadith. C'est-à-dire sur l'ilm. C'est-à-dire quoi? Sur 100 ahadiths, vous donnez 3. 2,5, mais on ne va pas donner la moitié d'un hadith. Donc vous donnez une part, vous faites une sadaqa ilmiya, c'est-à-dire de donner la science. Et ça, c'est la meilleure des sadaqat. C'est la meilleure. Pourquoi? Les savants, ils ont expliqué en disant que si tu as compris et tu donnes une science à quelqu'un, et que cette personne-là la donne à un autre, et la donne à un autre, et la donne à un autre, hatta taqum as-sa'a, jusqu'à ce que l'heure arrive, c'est toi qui prends l'ajar. Tu prends la récompense de cette science que tu as diffusée et que les gens ont pris et ont diffusé après toi. Comme celui de qui tu l'as pris, il prendra aussi ta récompense, puis celle ceux qui ont suivi. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien la meilleure des créatures, puisqu'il a la meilleure des récompenses. Chaque sunnah, chaque science qu'il a diffusée chez les sahaba, elle s'est diffusée après عند التابعين والتابع التابعين وإلى العلماء والمشايخ حتى في هذا الزمان حتى تقوم الساعة jusqu'à même notre temps et jusqu'à ce que l'heure arrive. Tout ce que les musulmans font, quelle que soit l'époque, le temps et le lieu, le prophète gagne cette récompense. Gagne cette récompense. Donc avant de croire que la meilleure des sadaqas c'est celle de donner l'argent ou un bien, la meilleure c'est la science diffusée. Et cela est meilleur, car toute notre vie est basée sur l'ilm. Notre religion, al-kitab wa sunnah. Bifahmi salaf al-umma radiallahu ta'ala anhum. Ne croyez pas que la religion est basée sur la dunya, mais c'est la dunya, votre vie de tous les jours, qui doit être basée sur votre religion. Vous gérez votre vie selon la religion et vous ne gérez pas votre religion selon votre vie. Le musulman, il suit le livre d'Allah. Allah Azza wa Jalla n'a pas révélé le Coran pour que chacun prenne son interprétation et que chacun prenne ce dont il a besoin et il laisse le reste. Ou il prend ce qui l'arrange. Non, le Coran, Kitab Allah Jalla wa Ala, le livre d'Allah Azza wa Jalla, il comporte des règles afin que chaque musulman puisse revenir à ce livre dans sa vie de tous les jours, ainsi que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tout ceci à la meilleure des compréhensions du fameux salaf al-umma wa hum ashabu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa radiallahu ta'ala anhu, de revenir à ceux qui ont le mieux compris cette religion, les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Et pour eux la meilleure des sadaqas c'était quoi? C'était de propager une science. وقال الله سبحانه وتعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون et que vous fassiez l'aumône est meilleur pour vous. خير لكم من قال الله تبارك وتعالى. La meilleure des paroles c'est la parole d'Allah. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit à ses croyants que vous donnez l'aumône est meilleur pour vous, alors il n'y a pas de doute que cela est meilleur pour nous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le bien, seul Allah Azza wa Jalla le sait et le connaît. Et seul Allah Tabaraka wa Ta'ala le légifère. Ce n'est ni toi ni moi qui décidons ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est Allah Tabaraka wa Ta'ala, par son livre, par la sunna du prophète alayhi salatu salam, qui décide où est le bien et où est le mal. Et ici Allah Azza wa Jalla mentionne comme bien le quoi? Le fait de donner as-sadaqa, le fait de donner l'aumône. Quant à celui qui donne l'aumône, Allah Azza wa Jalla a mentionné fayuda'ifahu lahu ad'afan kathira. Allah Azza wa Jalla va lui multiplier, va lui multiplier al-hasanat. Il se peut qu'il donne une petite sadaqa, une petite aumône, parce qu'il n'a pas grand-chose, mais le peu qu'il a, il le donne. Allah tabaraka wa ta'ala connaît l'intention des gens. Il sait ce qu'il y a dans la poitrine des gens. Alors Allah tabaraka wa ta'ala seul décide de multiplier à son serviteur la récompense de cette aumône. Il se peut que toi, dans cette dunya, tu t'as donné comme ça une petite sadaqa un jour, jusqu'à même t'es oublié que t'es donné cette sadaqa. Mais tu la retrouveras yom al-qiyama bi-idhnillahi ta'ala. Tu la retrouveras yom al-qiyama imam Allahi jalla wa'ala. Et tu penseras avoir trouvé la petite sadaqa que tu as fait, et bien au contraire tu trouveras beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit rahmatihi subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde Allah jalla wa'ala va te multiplier la récompense. Parce que ton intention, elle était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu l'as donné en toute sincérité. Jusqu'à ce que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que ta main gauche ne sait pas ce que ta main droite a donné. Lorsque le prophète alayhi salatu wasalam, il mentionne ça, que la main gauche ne sache pas ce qu'a donné la main droite, c'est quoi? Al-ikhlas lillahi jalla wa ala. C'est la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala. Être sincère dans son aumône. De ne pas chercher la satisfaction des gens, de ne pas chercher la récompense auprès des gens, de ne pas chercher une certaine un certain degré auprès des gens, pour que les gens disent ah, le gars, il a donné, ou il a donné, ou il a donné. Ou comme on trouve certaines personnes qui n'hésitent pas à se lever en disant moi je donne telle somme d'argent. Mais la somme est grande. Bien sûr, ce n'est pas à comparer comme le compagnon radiallahu anhu qui donna une poignée de dattes. Sunnatun hasana. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé cela comme une bonne tradition. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a donné ce qu'il avait. Et le prophète alayhi salatu wasalam a appelé les gens à donner. Il a donné ce qu'il avait. Puis lorsque les autres compagnons ont vu cela, chacun s'est mis à donner. Sunnatun hasana. Il a fait une bonne tradition. Et à ne pas confondre avec al-bid'atul hasana. La bonne innovation. Ça, c'est autre chose. Et cela n'est pas permis. Alors que là, il a fait quoi? Il a influencé les gens. Étant donné qu'il a été le premier à donner et à obéir au prophète, alayhi salatu wassalam, alors les gens qui l'ont vu, l'ont suivi là-dessus. Donc il se peut que tu te retrouves en vérité avec deux récompenses. La récompense de ta sadaqa que tu as fait, et qu'Allah Azzawajal va multiplier, plus la récompense de tous ceux qui t'ont suivi derrière toi et qui t'ont vu et que tu as influencé à faire le bien. Quant à celui qui ne peut pas donner, qui n'a pas les moyens de donner, Ya'murun bil ma'ruf, celui-ci, il ordonne au bien. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas manqué de mentionner que celui qui ordonne un bien, même s'il ne le fait pas, il aura la récompense de tous ceux qui ont fait ce bien. Bien sûr, il faut rester au juste milieu. Et les gens de la sunna sont au juste milieu. Il ne s'agit pas non plus d'avoir une certaine science et de dire aux gens ce que toi tu n'accomplis même pas ou tu ne fais pas. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné le savant qui ordonne au bien mais qui n'accomplit pas ce bien alors qu'il en a la capacité, est semblable à une torche. Qu'est-ce qu'elle fait la torche? Elle éclaire les gens qui sont autour de cette torche. Mais elle se brûle elle-même. Pourquoi? Parce qu'il ordonne aux gens le bien, mais lui-même ne le fait pas, alors qu'il a la capacité de faire ce bien. Parmi les bienfaits de l'aumône, il y a le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala te mettra sous l'ombre, qu'Allah Azzawajal va créer Yom al-Qiyamah. Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les sept sortes de serviteurs qu'il mettra sous son ombre Yom al-Qiyamah, alors que la situation sera difficile, il y a celui qui donne une aumône de manière à ce que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Il sera sous l'ombre d'Allah tabaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah. La meilleure des sadaqat, c'est celle qui est faite en secret. ولهذا قال الله جل وعلا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. Si vous la cachez cette aumône et vous la donnez aux pauvres mais en secret, alors cela est meilleur pour vous. C'est pour ça que Salaf radiallahu ta'ala anhum, il disait: cache tes bonnes actions comme tu caches tes péchés. Cache tes bonnes actions comme tu caches tes péchés. Aucun d'entre nous n'aime, et cela est un secret entre Allah tabaraka wa ta'ala et nous, il n'appartient à aucun musulman de divulguer ses péchés. Allah azza wa jal lui a caché secret toute la journée jusqu'au soir, alors il les garde secrets. Les péchés de la nuit, Allah tabaraka wa ta'ala lui a gardé secret jusqu'au matin, alors il les garde. Sauf s'il veut aller voir quelqu'un de compétent dans la science et lui dire, sans dire que c'est lui, un frère a fait telle chose, est-ce qu'il y a une compensation à cela? Donc de cacher tes bonnes actions comme tu caches tes péchés. Et ça encore, ça montre que il est demandé aux musulmans d'être sincères. Pourquoi est-ce qu'on te demande de cacher tes bonnes actions? C'est pour travailler cette sincérité. Et d'autres, parmi As-Salaf al-Salih, elle disait aussi, accomplis tes bonnes actions de manière à n'avoir comme seul témoin qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Aucune personne. Il fait tout en secret. Toutes ses bonnes actions, il les fait en secret. Mais bien sûr, Shaitan, il va venir. Il va passer par une porte. Ne croyez pas que le diable ne passe que par des portes du mal. Quelquefois, il passe par des portes du bien. Hein, on dit qu'il ouvre 99 portes de bien pour te faire tomber dans une porte du mal. Il va te dire quoi? Ta sadaqa, fais-la en public. Pourquoi tu le caches? Fais-la en public, peut-être des gens ils vont devoir la faire, et justement, comme la hadith du prophète, ça va te pousser, ils vont voir que tu l'as fait, tu vas gagner leur récompense. Mais ça, c'est la première fois. Puis la deuxième, puis la troisième, et petit à petit, et avec le temps, il faut vous dire que le diable ne fait pas les choses directement. Il prend le temps. Il y va petit à petit. Puis avec le temps, la personne ne fait que donner as-sadaqa, riyan, c'est-à-dire en toute ostentation. Son but qui était au début de cacher ses bonnes intentions et ses bonnes actions est devenu quoi? A fini dans ash-shirk billahi azza wa jalla. Car la chose que le diable cherche avant tout, c'est quoi? D'annuler toutes tes actions. Kufr. Mécrois. Mais est-ce qu'on va mécroire comme ça d'un coup? Non. Petit à petit. N'as-Allah l'afwa wa l'afiyah wa s-salam. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné « Ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha » Ô vous qui croyez. Et lorsqu'Allah azawajal commence un verset par « Ya ayyuha alladhina amanu » cela signifie que l'on est concerné. Et cela signifie que ce qui suit cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est « Ya ayyuha alladhina amanu » cela signifie qu'elle fait partie de tout ce qui suit après ce verset fait partie de l'iman, de la foi. Puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, Yahu alladina amanu, ô vous qui croyez. Puis ensuite il y a la suite du verset. Cela montre que ce qui suit fait partie de la foi. Qu'est-ce qui fait partie ici de la foi? De ne pas annuler nos aumônes par des gestes ou des propos désobligeants. On peut faire le bien, mais malheureusement on peut annuler ce bien. Et parmi les choses qui annulent l'aumône, le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné le fait de rappeler le bien qu'on a fait à la personne en lui disant, mais moi la dernière fois, subhanallah, c'est pas moi qui t'ai fait l'aumône, c'est pas moi qui t'ai aidé et qui t'a donné ça et ça et ça et ça et ça. La personne qui fait ça est en train d'annuler son aumône. Comme on peut construire, comme on peut détruire. Donc il advient à chaque musulman d'être attentif, à ne pas annuler ses bonnes actions et de ne pas détruire ce qu'il a construit pour sa demeure dans l'au-delà. Chaque bien que tu fais, tu en auras la récompense, que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. D'où cette sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala et de garder cette sincérité. parmi les meilleures au monde, il y a celle qui est faite lorsque tu es riche et que tout va bien. Là, c'est là qu'il est demandé de faire beaucoup d'aumônes. Pourquoi? Parce que tu as les moyens de faire cela. Or, il y a un groupe de compagnons qui étaient pauvres et qui est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ils lui ont dit, et c'est là qu'on voit encore qu'il y a une autre manière de faire sadaqa. Parce que même celui-là qui n'a rien peut faire une sadaqa. Même celui-là qui n'a rien, aussi bien dans la science que bilmal, dans l'argent ou les biens, il peut quand même faire sadaqa. Ils se sont plaints de quoi? Ils ont dit, non, on ne peut pas faire des sadaqa, des aumônes, parce que, alors que les riches, ils peuvent en faire. Nous, on n'a rien pour en faire. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a mentionné le fait de dire, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ad-dhikr, sadaqa. Le dhikr, c'est une aumône. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Et lorsque les riches, ils ont vu faire ça, et ils ont fait la même chose. Ce qui signifie qu'ils avaient une ziyada en plus. Non seulement ils donnaient bil mal, et ils donnaient par le rappel d'Allah. Alors ils sont revenus voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils lui ont dit, ce que tu nous avais donné, ils nous l'ont pris. Maintenant eux aussi ils le font. Donc nous qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que le prophète sallam a encore appelé une fois de plus au tawhid. Et il a bien mentionné qu'Allah tabaraka wa ta'ala wa yarzuq man yasha, qu'Allah donne la subsistance à qui il veut. Et à partir de là, tu t'en remets à Allah Azza wa Jal. Celui qui donne la subsistance, celui qui choisit à qui la donner et à qui la reprendre, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui n'a pas les moyens de donner bil mal, qu'il essaie de donner bil ilm. Il ne s'agit pas de donner dans une assise où celui-là qui peut faire ça, il fait ça. La science, elle s'apprend avec tout le monde. Tu apprends la religion, ensuite, tu dois l'apprendre à ton épouse, à tes enfants, d'où l'éducation des enfants. Mais celui qui n'a rien, ne peut rien donner. Celui qui n'a rien, ne peut rien donner. Si toi, tu n'es pas éduqué selon ta religion, selon le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Sinon, si toi, tu n'as aucune connaissance, quelle connaissance vas-tu donner à tes enfants, à ta descendance? Si l'épouse n'est pas éduquée, qu'elle n'apprend pas sa religion, qu'elle ne connaît rien de sa religion, comment va-t-elle éduquer ses enfants? Car même s'il y a des écoles, il ne s'agit pas de prendre l'enfant et de laisser toute son éducation à l'école. Et lorsqu'il revient, on ne lui apprend rien. Ça, c'est se débarrasser des enfants. Allah musta'an. Et combien se débarrassent de leurs enfants en les mettant à l'école? Et la seule éducation qu'ils reçoivent, c'est à l'école. Mais de ses parents, ils ne reçoivent aucune éducation. Cela ne fait pas partie des bonnes choses. La première personne qui éduque ses enfants, c'est bien le père et la mère de famille. Or, si eux deux ne sont pas éduqués, qu'est-ce qu'ils vont donner comme éducation? Ne croyez pas que c'est un conseil d'apprendre sa religion. C'est une obligation. Allah tabaraka wa ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illahu. Fa'alam, sache, apprends. Amar Allah tabaraka wa ta'ala. Sache, apprends. C'est un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pas un conseil. Allah azza wa jalla ordonne à ses créatures d'apprendre la science religieuse. Bien sûr, d'apprendre ce qui était obligatoire. Pour celui qui veut apprendre plus, il apprend plus après. Mais c'est un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et de cette science que tu apprendras pour te rapprocher d'Allah, pour enlever ton ignorance, et ensuite seulement pour enlever l'ignorance chez les autres. Or, chez les autres, ça signifie tout d'abord ta famille. Parmi les meilleures sadaqat, il y a celle qui est faite pendant le mois de Ramadan. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. Il a dit que le prophète عليه الصلاة والسلام était le plus généreux des gens. Et il était encore plus durant le mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan. Il y a des actions lorsqu'elles sont faites dans des temps sacrés ou dans des lieux sacrés où elles sont multipliées. Comme le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala ouvre les portes du paradis et ferme les portes de l'enfer. Et pour corriger une erreur qui circule dans la croyance des musulmans, cela ne signifie pas que celui qui meurt pendant le mois de Ramadan il rentrera forcément au paradis. Les savants ont expliqué cette chose-là en disant Allah tabaraka wa ta'ala ouvre les portes du paradis et ferme les portes de l'enfer car ses serviteurs multiplient les bonnes actions. Et s'ils multiplient les bonnes actions pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire qu'ils font un maximum de causes pour rentrer au paradis. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. Donc pendant le mois de Ramadan, il est demandé aux croyants qu'ils multiplient les bonnes actions. Et parmi ces bonnes actions, الصدقات, les aumônes. Et parmi ces aumônes, ne voyez pas que l'argent. Il y a aussi le fait de nourrir les pauvres parmi les musulmans qui n'ont pas de quoi couper leurs jeûnes. Qui n'ont pas de quoi couper leurs jeûnes. Donc de multiplier en ce mois sacré du mois de Ramadan les aumônes pour celui qui le peut. Et Allah Azza wa Jal, comme on l'a mentionné au début, a encouragé les croyants à donner de leurs biens ou de leurs personnes pour aider leurs frères ou leurs sœurs en islam. Et tout ceci dans le but de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala Allah Azza wa Jal, wa ma anfaqtum min shay, fa huwa yukhlifuh. Tout ce que vous dépensez au service d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire pour Allah Tabaraka wa Ta'ala, il vous le remplace. Parmi les pièges du diable, c'est de te faire croire que lorsque tu fais une sadaqa, tes biens diminuent. C'est ce que nos yeux, ils voient. C'est ce que nos yeux voient. J'ai 100 euros, je donne 50 euros. Tu peux me dire ce que tu veux, après moi il me reste 50 euros. Hada dha'f al-iman. Aw al-jahl. Celui qui dit ça, qui pense ça de sa croyance vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à son reste, celui-ci, ou bien sa foi est faible, ou bien il est ignorant. Chaque chose que tu donnes, Allah tabaraka wa ta'ala te le remplace. Chaque chose que tu donnes, Allah azza wa jal te le remplace. Et Allah tabaraka wa ta'ala, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, savait quel aumône tu allais faire. Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas limité. Allah azza wa jal connaît toutes les aumônes de toutes les actions de ses serviteurs. Quand est-ce qu'ils l'ont fait? À quel moment? Combien? Comment? Wa ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma sayakun wa law yakun kayfa yakun. Subhanahu wa ta'ala. Wal 'alim al khabir. Jalla wa 'ala. Allah azza wa jal sait ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui va se passer, et si ça s'était passé, comment ça se serait passé? Pourquoi on rajoute cette dernière? Parce que, quelquefois, l'insan il se dit, ah, si j'avais de l'argent, j'aurais fait ça comme aumône, j'aurais construit une mosquée, j'aurais construit des écoles de Coran, j'aurais construit des écoles, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, j'aurais donné à celui-là. Il fait la liste, elle finit plus. Est-ce qu'il a la récompense de tout ça? Il n'a pas l'argent, mais il aimerait bien. Il a l'intention. Est-ce qu'il a la récompense de tout ça? Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahmallah, il a répondu à cette question en disant il a la récompense d'avoir l'intention. Mais il n'a pas la récompense de l'avoir fait parce qu'il ne l'a pas fait. Mais il a, il est récompensé par rapport à son intention, le vouloir de faire la chose. Et Allah Azza wa Jalla est juste, il donne plus à celui qui a voulu et qui a fait qu'à celui qui n'a pas fait. Et Allah Azza wa Jalla donne à qui il veut. طيب. وقال الله تبارك وتعالى وما تنفق من خير فإن الله به عليم. Et ce que vous faites comme bien, et ce que vous donnez comme bien, Allah تبارك وتعالى هو عليم. Allah عز وجل est parfaitement connaisseur de ce que tu fais. Subhanahu wa ta'ala. Allah تبارك وتعالى te connaît mieux que toi tu ne te connais. Et Allah Azza wa Jal souhaite le bien pour toi plus que toi, tu souhaites le bien pour toi. Donc ce que tu donnes en bien, ne t'inquiète pas. Allah Tabaraka wa Ta'ala le sait. Et il le savait même avant que tu le donnes. Et lui seul t'a créé l'action de donner. Nous vous avons créé vous et ce que vous faites. Toi, Allah Azza wa Jal t'a créé et il t'a créé l'action de donner cette aumône. Donc ne crois pas qu'Allah Azza wa Jal oublie ou qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas attentif à ce que tu fais. Celui qui dit ça, il a certes ramené un rabaissement chez son Seigneur. Or Allah azza wa jalla est parfait dans ses noms et dans ses attributs. Et Allah tabaraka wa ta'ala est dénué, subhanahu wa ta'ala, est dénué de toute imperfection. Donc sache que chaque aumône que tu donnes, Allah azza wa jalla est savant sur ce que tu donnes. Il y a une chose que le prophète alayhi salatu wa salam a mentionnée sur le fait d'être jaloux, al-hasad. Le prophète alayhi salatu wa sallam a mentionné la jalousie. On ne peut être jaloux que de deux personnes. Que de deux personnes. Rajulun atahu Allahu malan. Un homme à qui Allah azza wa jalla a donné le bien. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Il a donné cette aumône. À qui Allah Azza wa Jalla a donné un bien matériel et il dépense fi sabilillah. Cette chose-là est tellement noble auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que la jalousie est permise dans ce cas-là. Mais quand on dit la jalousie, c'est quoi? Il s'agit de la jalousie qui est interdite en islam, c'est le fait de vouloir ce que ton frère a eu, mais il y a une chose en plus, c'est cette chose-là qui est interdite. C'est que toi, tu la veux pour toi, mais tu la veux pas pour l'autre. C'est-à-dire, le bien qu'il a eu, tu veux le bien, la même chose que lui, mais toi, tu veux que lui, il n'ait pas ce bien-là. Ça, c'est interdit. Par contre, il n'y a pas de mal à vouloir la même chose que l'autre. Il n'y a pas de mal à vouloir la même chose que l'autre. Et comme l'a mentionné un grand savant, il disait que la plus grande des jalousies qu'il a vues, et c'est pour ça qu'elle va être la deuxième partie du hadith ici, la deuxième personne de qui on peut être jaloux, c'est quelqu'un à qui Allah Azza wa Jalla a donné la science, et là, il juge entre les personnes avec cette science-là. C'est-à-dire qu'en même temps, il propage aussi. Et Cheikh Al-Uthaymeen, rahmallah, il disait, la plus grande jalousie qu'il a vue, c'est Baynatullah Bilahim, entre les étudiants de sciences religieuses. Il a dit, c'est la plus grande jalousie que j'ai vue. Donc il disait à ses élèves, au lieu d'avoir cette jalousie qui est néfaste, c'est-à-dire que tu veux la même science que l'autre, mais tu aimerais bien qu'il ne l'ait même pas, qu'il n'ait plus cette science-là, il a dit quoi? Il a dit, faites du'a et demandez, Allahumma zidni ilman, zidhu ilman wa zidni aktharu minhu. Mon Seigneur, donne-lui de la science, mais donne-moi plus que lui. Lui, il reste avec sa science. Mais moi, je veux plus que lui. Bien sûr, dans quel but? De se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Kadhalik fil mal, certains veulent donner le sadaqat, veulent faire des aumônes, mais ils n'ont pas les moyens. Or, ils voient les gens qui dépensent dans des aumônes, et ils pensent que la porte est fermée pour lui. Ad-du'a, demande à Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah, azza wa jal, lui seul donne la subsistance. Demande à Allah, azza wa jal, qu'il donne la subsistance aux autres, et qu'il te donne à toi aussi. De moyens à faire, as-sadaqat. Comme vous le savez, les prophètes et les familles des prophètes, alayhi salatu wassalam, ne mangent pas les aumônes. prophète alayhi salatu wasalam, dans la bouche de son petit-fils, il a enlevé une date une fois. Pourquoi? Parce qu'il ne mange pas des aumônes. Pourquoi est-ce qu'il ne mange pas des aumônes? Pourquoi les prophètes n'ont pas le droit de manger des aumônes, ni les familles des prophètes? Là. J'ai pas compris. Leur aumône, c'est une souillure. Donc, païen. Lorsque quelqu'un fait une aumône, qu'est-ce qu'il fait? Il se débarrasse de ses péchés. C'est une expiation pour lui. Le fait qu'il donne l'aumône se débarrasse de ses péchés. C'est une purification de ses péchés. Or, il n'appartient pas à des prophètes et des familles de prophètes par leur noblesse de manger de la souillure des péchés des gens. Qui est représentée par quoi? Par As-Sadaqa. Tellement leur rang est élevé. Alayhi salatu wassalam. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. Craignez le feu ne serait-ce que par un morceau de date. Beaucoup ont de grandes ambitions dans l'ibad, dans l'adoration. Beaucoup vont vous dire on va faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Teswif. Je vais faire. Mais à la fin, il n'a rien fait. S'il fait le bilan au bout d'un mois, il n'a rien fait du tout. Et nous, on est remplis de ça. L'insan, c'est sa nature. Il a beaucoup de projets. Je vais faire ça pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Je vais faire tel sadaqa. Et à la fin, il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que quelquefois, l'insan, il va chercher trop grand. Il s'alourdit. Alors que le prophète, alayhi salatu wasalam, fait un hadith. Il a mentionné quoi? Craignez le feu de l'enfer, ne serait-ce que par quoi? Une date. C'est-à-dire qu'il n'était pas demandé forcément de chercher la grande sadaqa. Même si elle est petite, étant donné que tu es sincère avec Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, comme on l'a dit, va fructifier. Il va ramener l'abondance, ou le baraka, dans ton aumône. Donc il n'y a pas besoin de chercher la grande adoration. Ce qu'Allah Azza wa Jalla aime chez son serviteur, c'est quoi? C'est la régularité. Même si l'action est petite. Quant à faire beaucoup et beaucoup et après plus rien, cela ne t'est pas demandé. Ce qui t'est demandé, c'est d'être régulier, d'être sincère avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, et de te sauver du feu de l'enfer, ne serait-ce que par une date. C'est-à-dire, quelle que soit la sadaqa, même si elle est petite, un verre d'eau. Un verre d'eau, c'est rien. Pour nous, c'est rien. Un verre d'eau. Il prend un verre d'eau et donne à son frère. Adi sadaqa. Il prend de son eau et il donne de son eau au frère. Adi sadaqa. Ça, il le verra, yom al-qiyam. Ce sont des actions, on ne fait pas attention. Pourquoi on le fait avec l'adat? Mais sachez que chez les gens pieux, l'adat, ça devient ibad. Les traditions, les habitudes, chez les gens de piété, pour eux, c'est une adoration. Et chez les gens dont la foi est faible, c'est le contraire. Les adorations sont devenues des habitudes. L'axe de l'axe. Une autre chose que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné, c'est une autre chose que Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wassalam ont mentionné, filmel, c'est le baraka. Le fait qu'Allah azza wa jal mette la baraka dans tes biens. Les gens pensent qu'ils vont perdre leurs biens lorsqu'ils donnent une aumône. Alors que c'est le contraire, comme on l'a mentionné. La deuxième chose qu'ils vont récolter en donnant l'aumône, c'est al-baraka. C'est quoi al-baraka? La baraka d'Allah, ta baraka wa ta'ala, lorsqu'Allah Azza wa Jalla met la baraka dans une chose, dans un bien, c'est que celui-ci va durer. Celui-ci va durer. Il ne s'agit pas d'avoir un bien qu'il soit instantané. Ce que le musulman cherche, c'est d'avoir un bien, mais qui dure. Voilà pourquoi il est demandé de Allah tabaraka wa ta'ala qu'il mette la baraka dans les aumônes, qu'elle soit bil mal ou bil ilm. Mais celle qui a le plus de baraka, c'est celle qui est faite bil ilm, c'est-à-dire sadaqatul ilmiya, hein, il a appris une science à quelqu'un. Quelques questions. Ces questions-là, le musulman doit se les poser. Parfois, certaines personnes donnent des aumônes et il a appris que la personne à qui il a donné l'aumône, c'était quelqu'un qui ne la méritait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas besoin, ou bien qu'il ne le mérite pas. Il y a un hadith sur Sahih al-Bukhari qui mentionne un homme qui a donné une aumône. On l'a informé que l'aumône que tu as donné, tu l'as donné à un voleur. Il s'est dit, alors je vais refaire cette aumône. Il a redonné l'aumône une deuxième fois. On l'a informé, on lui a dit, l'aumône que tu as donné, tu l'as donné à une prostituée. Il s'est dit, ben c'est pas grave, je vais refaire encore l'aumône. On l'a informé que la troisième aumône qu'il a donnée, tu l'as donnée à un riche. À un voleur, à une prostituée et à un riche. Jusqu'à ce que l'on informe qu'il n'est pas besoin de refaire ces trois aumônes. Pourquoi? Parce que le voleur à qui il a donné, grâce à cette aumône, il ne vole plus. La prostituée, grâce à cette aumône, elle ne fait plus ce qu'elle fait. Et le riche, grâce à cette aumône, vous allez dire, mais lui, il n'a rien fait lui aussi. Il a appris à faire l'aumône. Sunnatu hasana. Sunnatu hasana. Hein, il a pris la leçon qu'il fallait donner. Comme lui l'a reçu, il s'est dit, ben moi aussi, il faut que je donne maintenant. Ça, c'est la preuve, les savants, ils disent que, étant donné qu'il, en vérité, n'avait pas besoin de refaire son aumône, c'est la preuve que si tu as donné l'aumône à quelqu'un, et que tu apprends ensuite, par la suite, que celui-ci n'aurait pas dû, il ne fait pas partie des gens qui méritent l'aumône, alors tu n'as pas à redonner. Alors tu n'as pas à redonner ton aumône. Et la preuve, c'est ce que l'on vient de citer. La chose dont le musulman doit prendre garde aussi, c'est qu'il donne en aumône ce qui est halal. Il n'appartient pas à un musulman de donner en aumône une amana, un dépôt qu'on lui a laissé. Si quelqu'un, tu es en train de garder l'argent de quelqu'un, et tu dis, oh, tiens, je fais une sadaqa avec son aumône, avec sa amana. لا الإخلاص والمتابعة يعني الإخلاص لله جل وعلا وعلى الكتاب والسنة. Tu dois donner l'aumône avec sincérité envers Allah Azza wa Jalla, oui, mais accompagné du suivi du prophète صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que ton aumône, tout en la faisant pour Allah, qu'elle soit conforme au Coran et à la Sunna. Ordonner en aumône quelque chose de volé ou donner en aumône quelque chose tu as escroqué par du mensonge ou donné en aumône quelque chose qui ne t'appartient pas, même si tu le fais pour Allah tabaraka wa ta'ala, cela n'est pas conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wa qala alayhi salatu wassalam fi sahih muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd mardud 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Yani, celui qui fait une chose qui n'est pas conforme à nos enseignements, elle sera rejetée. Par qui? Par Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne verras pas les fruits de cette aumône yawm al-qiyamah, mais bien au contraire. Tu devras rendre des comptes à Allah tabaraka wa ta'ala sur ce que tu as fait. Donc il appartient à chacun de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala bima yastati', comme il le peut. Et l'un des bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné à sa créature, c'est qu'Allah azawajal n'a pas mis une seule adoration. C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas créé le paradis avec une seule porte, mais avec combien de portes? 8 portes. Et l'enfer? 7 portes. Pourquoi 8 au paradis et 7 en enfer? Rahmatullahi tabaraka wa ta'ala. Le fait qu'Allah azawajal a créé 8 portes au paradis, 7 portes en enfer, c'est pour montrer que sa miséricorde est plus grande que son châtiment. C'est l'une des choses. Il y a d'autres explications. Et parmi le fait qu'Allah azawajal ait créé plusieurs portes au paradis, la porte de ceux qui prient, la porte de ceux qui jeûnent, etc., etc., et le fait qu'Allah azawajal ait légiféré plusieurs adorations, cela prouve qu'Allah azawajal est bien le créateur de toutes choses et qu'il connaît par la perfection sa création. Car il sait, Allah subhanahu wa ta'ala, que chacun d'entre nous a une préférence dans une ibad. Certains, ils prient beaucoup. Certains, ils jeûnent beaucoup. Et ceux qui prient n'arrivent pas à jeûner comme ceux qui jeûnent. Et ceux qui jeûnent n'arrivent pas à prier comme ceux qui prient beaucoup. Certains donnent beaucoup d'aumônes. Chacun trouve, il doit chercher la facilité dans laquelle il est. Là où il trouve la facilité pour se rapprocher d'Allah, qu'il reste là-dessus. Qu'il ne cherche pas à s'alourdir ou à tenir des engagements qu'il ne tiendra pas. L'imam Shafi'i ou l'imam Malik, il disait, rahimallah, quelqu'un est venu, lui a fait un reproche un jour. Il lui a dit, tu sais, les gens, ils commencent à parler un petit peu. Ils ne te voient pas faire beaucoup de nawafé, de prières ou et d'autres ibadat. Il a dit, il y a des gens à qui Allah azawajal l'a facilité la prière. Il y a d'autres gens à qui Allah azawajal l'a facilité l'aumône. D'autres, il a facilité le jeûne. Moi, il m'a facilité la science et je remercie Allah qu'il m'ait facilité dans cette chose-là. Parce que si tu regardes bien, toutes les autres ibadat, elles sont basées sur l'ilm. Donc, il appartient à chaque musulman qu'il se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala par les moyens qu'il peut et qu'il y mette sa personne et qu'il pense aussi à sa famille et qu'il voit les choses prioritaires. Le musulman, il fait preuve de clairvoyance, il ne se précipite pas. La précipitation vient du diable. Qu'il soit clairvoyant et qu'il n'hésite pas à donner l'aumône car elle est une expiation de ses péchés. Et la bonne action vient effacer la mauvaise action. Dans un autre hadith, l'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. L'aumône efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Celui qui commet un péché, qu'il se repent à Allah tabaraka wa ta'ala, en toute sincérité, qu'il déteste ce qu'il a fait, qu'il regrette ce qu'il a fait, qu'il décide de ne plus jamais recommencer ces choses-là, qu'il revienne à Allah azawajal, et tout de suite après qu'il multiplie les bonnes actions. Et s'il peut faire l'aumône, alors qu'il la fasse et qu'il n'hésite pas, tout en gardant bien sûr des biens pour subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il accepte de nous l'amal salih et qu'il nous donne une science profitable afin d'accomplir d'une manière et d'une bonne manière nos bonnes actions. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك الله لي ولكم.